Et je suis en compagnie, comme tous les lundis, de Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société. Bonjour Raymond. Bonjour François. Alors aujourd'hui, parlons un peu du lien qu'il existe entre la 3D et l'histoire. Effectivement, c'est un beau sujet qu'on propose en fait, en version brève ici à CKRL, en version prolongée ce soir au Musée de la Civilisation, en fait, à la chapelle du Musée de l'Amérique française à 19h30. Ce soir, une conférence dans le cadre de l'exposition Rome des origines de la capitale. À la capitale de l'Italie, une conférence qui s'appelle « Regard sur une Rome virtuelle » ou « Quand la 3D fait renaître le passé ». Alors, on a dit les mots-clés, 3D, archéologie, patrimoine. Et pour explorer tout ça avec nous, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas convier les conférenciers, justement. Exactement. Nos conférenciers de ce soir. Alors, Robert Vernieux, qui est ingénieur de recherche au CNRS, qui est directeur d'Archéovision, qui est la plateforme technologique 3D de l'Université de Bordeaux 3. Bonjour. Et Mathieu Rochelot, qui est étudiant en doctorat en histoire à l'Université Laval et à l'Université de Bordeaux 3. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut dire, en fait, quand on parle de 3D, de modélisation en archéologie, en patrimoine, ce n'est pas un sujet qui date d'hier. Oui, effectivement, les industriels ont commencé à modéliser il y a très longtemps, dans les années 90, 94, et puis après, progressivement, très doucement, les chercheurs en sciences humaines ont fini par s'approprier ces technologies. Et ici, en fait, on a parlé de modélisation. Peut-être dans les définitions, en fait, il y a modélisation, il y a numérisation aussi. C'est pas la même chose. En fait, la numérisation, c'est plus une opération d'acquisition de données. Donc, avec un laser ou avec un appareil photo, en prenant des photos, on peut faire aussi de la numérisation. Tandis que la modélisation, c'est plus une opération de représentation ou d'interprétation à partir de données hétérogènes, dépendamment des sources qu'on a. Donc, c'est plus à partir d'un logiciel 3D où on va modéliser manuellement. Donc, on peut distinguer les deux choses. C'est véritablement la création, en fait. La numérisation, la modélisation, c'est vraiment la création sans même presque aucune donnée, en gros. En fait, oui, c'est plus une étape de création, en effet. Et l'autre, c'est plus une opération d'acquisition de données. Oui. On peut préciser en disant que le numérique et la numérisation, c'est les données qui existent et on va les passer en numérique. Et on se retrouve avec un objet numérique, quelque chose d'existant. Et modélisation, on va essayer de compléter les choses qui manquent, qu'on disparaît. D'accord. Et donc là, ça va être une action scientifique qui va commander une action technique qui va être de construire quelque chose qui n'existe plus. Et donc, le lien avec ce soir, c'est Rome. Donc, on peut représenter en 3D, modéliser, dans le fond, la Rome de l'Antiquité, des bâtiments de cette Rome-là qui n'existe plus à partir de matériel archéologique, de sources historiques et autres. Oui, les sources principalement, donc, ça va être l'archéologie, et puis toutes les données iconographiques et les données textuelles. Après, il y a on va pouvoir avoir, par exemple, des représentations avant la période de la photographie, avant le 19e. Qui vont nous donner l'état des sites archéologiques, moins dégradés que maintenant, mais qui nous permet quand même de comprendre comment, dans l'Antiquité, ils étaient, parce qu'on va avoir plus de visibilité sur ces services. Ça complète les données, en fait, qu'on a de l'Antiquité. Et qu'est-ce qui fait justement l'importance de les modéliser versus de les dessiner ou de faire des plans 2D? Bref, qu'est-ce qu'apporte la 3D, justement, à la recherche, par exemple, ou même pour le grand public? En fait, il y a plusieurs types d'apports que la 3D peut apporter. Juste d'un point de vue assez simple d'organisation des sources, le modèle 3D peut être un résumé de la connaissance de ce qui existe en ramassant toutes les sources qu'on a nommées tantôt. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a un modèle 3D qu'on peut appeler scientifique, donc qui regroupe un maximum de sources, on peut faire des simulations, on peut, puisque c'est à l'échelle 1 pour 1, on peut se placer à l'intérieur de l'édifice et remarquer des choses qu'on verrait, qui sont impossibles à voir autrement, en fait. C'est qu'on va s'orienter vers des équipes qui vont travailler ensemble en recherche. Alors, le chercheur en archéologie est plutôt solitaire pour restituer des données disparues. Dans les cas, on va avoir une possibilité de faire dialoguer entre eux des architectes, des épigraphistes, des historiens de l'art, puisqu'ils vont avoir un objet, une sorte de métalangage visuel qui va permettre d'établir ce dialogue entre toutes ces spécialités. Et ça, c'est d'une très, très grande efficacité. Oui, dans le fond, ça force la multidisciplinarité dans l'étude de l'histoire, dans le fond, et de l'archéologie. C'est vraiment, on se rend compte dans chacun des dossiers que que chaque spécialiste a une image mentale du site. Et en fin de compte, le dialogue est très difficile. À partir du moment où on va matérialiser en numérique des données très précises, et là, on arrive à faire dialoguer les gens. Et c'est, là, c'est, je crois que c'est un des apports très forts de cet outil. Et il faut dire, M. Vernier, vous savez de quoi vous parlez, en fait, puisque des projets 3D de la modélisation, c'est un sujet que vous suivez, que vous développez depuis déjà bien longtemps. Oui, grâce à mon âge, en fin de compte, depuis maintenant une quinzaine d'années, on finit par avoir les mains dans plein de projets. C'est-à-dire qu'on aide à l'émergence de ces projets. Si on fait de la 3D, c'est qu'une équipe scientifique qui s'est donné des objectifs scientifiques. Puis la 3D donne des moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs. À aucun moment, on fabrique un modèle 3D pour la 3D. Si le modèle arrive, c'est parce qu'il y a une équipe scientifique qui nous intéresse, qui nous oblige à utiliser ces techniques. Et donc, essayer de comprendre quelque chose par rapport à la structure, par exemple. Oui, ça va être de restituer au plus proche des édifices tels qu'ils étaient. Donc, effectivement, des fois, on va pouvoir retrouver de façon très précise qu'à tel endroit, c'était comme ça, même si ça a disparu. D'autres endroits, on va dire que là, c'était probable. D'autres endroits, on ne sait pas trop. Et en fin de compte, tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour comprendre les sociétés anciennes. Donc, on va essayer de mieux comprendre comment ces édifices étaient, pour mieux comprendre comment ils fonctionnaient, en fin de compte, pour mieux comprendre ce qu'ils ont fait fonctionner. Parce que l'objectif, encore une fois, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de faire la 3D, mais c'est bien de comprendre ces sociétés anciennes. Et il faut dire, en fait, l'équipe de Robert Vernieu a développé notamment dans un projet qui s'appelle Rum Reburn, en fait, du moins ça a été intégré à un projet qui s'appelle Rum Reburn, donc une modélisation 3D du Circus Maximus. Oui, donc là, le Circus Maximus a été pour nous un projet un peu pilote, puisque c'est celui qui nous a permis de mettre au point des méthodes, de mieux structurer, de mettre en place les procédures. Et effectivement, on a collaboré avec l'Université de Virginie et on a intégré notre modèle dans leur projet Rum Reburn, qui lui est plus large. Et puis là, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et vous disiez justement, on ne modélise pas pour modéliser. Donc, avec cette modélisation du Circus Maximus, est-ce que vous avez des exemples d'éléments justement qu'on a réussi à apprendre grâce à ce processus-là? Donc, par exemple, sur le Circus Maximus, on dit généralement qu'il y a 250 000 spectateurs qui étaient installés, qui regardaient les courses de chars. On est au 4e siècle, nous on peut affirmer, on ne peut pas rentrer plus de 95 000 personnes dans le Circus Maximus. Parce que là, physiquement, on tient l'espace. Et voilà, on ne peut pas physiquement, on ne peut pas le faire rentrer plus. Alors peut-être que 250 000 personnes étaient susceptibles d'aller au cirque à Rome, mais nous ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'y allaient pas le même jour. Aussi, à l'aide de simulation, enfin, on peut tester en sachant exactement où se trouvait l'empereur dans le cirque. Et avec un modèle le plus précis possible, on peut savoir maintenant que l'empereur pouvait communiquer avec le vainqueur de la course sans porte-voix. Donc, c'est d'autres types d'apports qui est possible de faire avec les simulations. Et on parle beaucoup d'antiquité présentement, mais j'imagine que la modélisation peut quand même sortir aussi de la période antique où c'est quand même pas mal concentré dans cette période-là au niveau justement de la nécessité de compléter peut-être l'information qu'on a avec l'archéologie et le reste. Donc là, le champ d'application s'élargit de plus en plus. Donc, mon équipe travaille depuis la préhistoire jusque sur l'archéologie industrielle. Donc, à l'archéologie industrielle, par exemple, on a des équipes d'historiens qui travaillent sur les chaînes de montage des usines Renault. Et en microhistoire, on va détailler jusqu'au boulon de la voiture pour comprendre tous les gestes faits par les ouvriers sur un tronçon d'une chaîne de montage. Et donc, avec ces nécessités-là, est-ce que, justement, les sources qu'on utilise changent? Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, des photos pour modéliser, pas seulement des données archéologiques ou autres? En fait, justement, dans le projet de l'usine Renault, que M. Vernieux expliquait, les sources sont strictement, essentiellement des photos d'époque, mais il y en avait très peu, de ce que je comprends. Il y avait aussi un article de journal avec une douzaine de dessins, et ça suffit avec un court texte pour modéliser une bonne partie de l'usine et se rendre compte de certaines choses qui ne correspondaient pas ou qui étaient erronées dans l'article de journal. Et on a mentionné quelques éléments, mais peut-être pour les gens en prévision de la conférence de ce soir à 19h30, est-ce qu'il y a des modèles 3D qui peuvent être intéressants de découvrir, par exemple, sur le web pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? En fait, ben, en lien avec l'exposition, la conférence de ce soir, il y a évidemment Rome Reborn. Si vous tapez Rome Reborn dans Google, vous allez le trouver facilement. C'est une restitution de Rome vers 320 après Jésus-Christ que vous pouvez parcourir directement dans Google Earth. Et vous pouvez aussi consulter les différentes sources qui ont permis cette restitution-là, voir des images et comprendre en fait tout le processus de création pour en arriver à ce modèle-là. Et ce soir, justement, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va tenter de mettre de l'avant avec cette conférence-là? C'est essayer de montrer comment les scientifiques peuvent utiliser ces modèles-là pour vraiment améliorer la connaissance finalement de ces sociétés. Et ce n'est pas simplement quoi, de l'image sympathique, mais le travail des scientifiques a ces doubles possibilités. C'est que c'est d'abord un outil de recherche, mais en même temps, c'est un outil de valorisation. Et donc, ça peut être aussi sympathique. On peut essayer de faire comprendre ce double aspect. Et en même temps, sur le plan économique, ce n'est pas inintéressant, parce qu'on se rend compte que la recherche arrive à financer un peu ce travail-là. Donc, on a de l'argent qui arrive pour de la valorisation du patrimoine, par exemple. Et on peut transformer ça en une recherche scientifique qui va justement fournir la valorisation qui était prévue au départ. Mais au passage, on n'a plus financé la recherche. Et si on regarde un peu l'état des lieux aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'on a été jusqu'au bout de la modélisation en termes de technologie ou au contraire qu'on est vraiment au départ de cette approche-là, de cet usage-là? De mon point de vue, on a toujours en fait l'impression d'être au départ parce que les technologies évoluent constamment et pour la recherche, on est un peu à la remorque de ces technologies-là. Mais il y a moyen, comme au laboratoire à Bordeaux, les informaticiens vont développer leurs propres outils pour arriver aux propres fins de la recherche. Donc, oui, on est au début, mais en fait, il y a toujours des avancements possibles et on est toujours un peu à essayer de trouver des nouvelles possibilités, des nouvelles innovations, etc. Mais c'est vraiment intéressant à vous écouter, messieurs, car aujourd'hui, dans cette société où on ne croit que ce qu'on voit, c'est bien, je trouve, pour au moins les enfants ou ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire, de mettre des images sur certains textes ou certaines données qu'on a pu avoir, etc., pouvoir recréer des univers, des images. Et c'est vraiment intéressant, je pense, pour l'ensemble des concitoyens qui veulent en savoir plus sur l'histoire de leur pays ou autre chose, quoi. Oui, et on lance donc l'invitation à venir explorer cet univers-là ce soir. En fait, donc, une conférence... Je le rappelle, qui s'appelle « Regard sur une Rome virtuelle » ou « Quand la 3D fait renaître le passé ». Donc, c'est une présentation de l'Institut technologique de l'information et société et du Musée de la civilisation. Et c'est présenté donc ce soir à 19h30. C'est à la chapelle du Musée de l'Amérique française. Alors, trompez-vous pas de lieu. Donc, c'est au Musée de l'Amérique française. Et vous pourrez découvrir les éléments qu'on a lancés, les réflexions qu'on vous a proposées et voir un peu comment ça fonctionne, au bout du compte, toute cette mécanique-là, pour la recherche notamment, mais aussi pour le grand public. Alors, c'est à 19h ce soir. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, mcq.org ou itis.ulaval.ca. Eh bien, je dis merci à Raymond Poirier, merci à Mathieu Rochelot, étudiant en doctorat en histoire à l'Université Laval et de Bordeaux 3, et aussi, bien sûr, à Robert Vernieux, chercheur au CNRS. Merci à vous, messieurs, et puis c'était vraiment fort intéressant. Donc, ce soir, 19h30, on l'a dit, à la chapelle du Musée de l'Amérique française. Voilà, tout est dit. Merci, messieurs.